Merci beaucoup d'abord de m'avoir accordé cet honneur de participer à ce colloque. En effet, je vous emmène bien loin de Mazamet et du Tarn, mais c'est également une région très jolie. D'ailleurs, je m'excuse parce que mes dispositifs ne sont pas dans l'ordre. Donc, c'est une région qui est aussi jolie, pittoresque. C'est ce qui nous unit, à part les questions de la coexistence religieuse. Et donc, pour situer l'intérêt général de mes travaux ces deux, trois dernières années, ce que je tente de faire, c'est d'essayer de comprendre. C'est quelque chose que j'ai trouvé, moi, en faisant une enquête depuis 2009 à peu près, dans le sud du massif montagneux des Rhodopes, que vous pouvez voir plus ou moins sur cette carte. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je travaille dans la région de la ville de Smolian, qui est dans le centre des Rhodopes. Et cette question est justement la pluralité d'articulation que l'on trouve entre la cohabitation religieuse, entre christianisme orthodoxe et musulman sunnite, principalement de tradition hanafite et issue de la tradition ottomane, et les inégalités sociales, socio-économiques et également de genre. Donc, ma présentation d'aujourd'hui essaye d'illustrer une partie de cette pluralité de configuration. Comme je vous ai déjà dit, donc je travaille dans cette région depuis à peu près 2009. Il s'agit d'une région qui est peuplée, cette région de la ville autour de la ville de Smolian est peuplée d'environ 50% de chrétiens orthodoxes, 50% de musulmans, qui sont des musulmans de langue bulgare, donc qui sont aussi des citoyens bulgares, mais qui se distinguent de la minorité turque du pays. J'ai mis quelques chiffres ici, issus du recensement de 2011. Or, sur le plan national, les musulmans sont une minorité. Pour l'ensemble du pays, ils sont à peu près 12%, tandis que le pays est très très majoritairement chrétien orthodoxe. Je précise ici qu'il s'agit d'identifications qui se font sur la base de l'origine religieuse des personnes et non pas en fonction de leur degré de pratique religieuse, ni en fonction d'une quelconque piété personnelle, qui est, dans le cas de cette région de Smolensk, relativement faible. Eh bien, il y a deux types d'inégalités qui imprègnent réellement la vie locale, qui sont d'un côté le rapport hiérarchique qui est établi entre les deux religions au plan national, et de notre côté les disparités de richesse et socio-économiques de façon plus générale. Ce rapport, d'abord hiérarchique entre christianisme orthodoxe et islam, plonge ses racines dans l'histoire longue de la région. À partir de la fin la deuxième moitié du XIVe siècle, la région est occupée par les Ottomans et les Balkans donc feront partie de l'Empire ottoman jusqu'à à peu près la fin du XIXe siècle. C'est donc l'islam qui est la religion dominante, celle du sultan, tandis que localement, très souvent, ce sont les chrétiens orthodoxes qui sont la majorité. Sur le plan, je vous donne tous ces éléments pour que vous puissiez situer un peu les enjeux qui sont liés à la coexistence religieuse et aux inégalités, ensuite, à partir de mes deux cas d'études que je vais présenter. Donc, sur le plan de la mémoire nationale, comme sur le plan de l'enseignement de l'histoire à présent, et ceci est d'ailleurs depuis la fin du XIXe siècle, depuis l'indépendance de la Bulgarie, comme ailleurs dans des pays des Balkans, le turc musulman de l'époque ottomane est présenté principalement comme le pressant. Notamment, dès les années 30, dans cette région de Smola, il y a des mouvements très forts qui sont d'un côté sécularistes, d'un autre côté, en même temps aussi, tente de faire prendre conscience à cette population locale bulgare, de la bulgare et musulmane, qu'ils seraient des convertis, que leurs ancêtres se seraient convertis à l'islam par erreur et qu'ils devraient revenir en réalité à une religion première qui serait le christianisme orthodoxe. Bon, et toutes ces idées-là se poursuivent à travers des campagnes réellement violentes de changement des noms arabo-musulmans en noms bulgares tout au long de la période, enfin, à différentes périodes de la période socialiste. Il faut dire aussi que l'intensité de ces politiques pré-socialistes et socialistes dans la partie centrale des Rhodopes ont conduit à une très forte sécularisation aujourd'hui qui est profondément intériorisée par les populations musulmanes et qui est défendue comme par les musulmans, tout comme par les chrétiens orthodoxes, comme un acquis de la modernité. Il faut dire aussi que tout au long de la période socialiste, l'ascension sociale était plus facile pour les chrétiens que pour les musulmans, ou les gens de, disons, de tradition ou d'origine chrétienne, plutôt que pour les gens d'origine musulmane. Officiellement, la démocratisation, les libertés religieuses sont instaurées après la chute du communisme en 1989, donc avec la chute du mur de Berlin. Et en théorie, tous les groupes religieux sont mis sur le même pied d'égalité, sont censés faire l'objet d'un même traitement par l'État. La pratique est néanmoins différente. Il y a une hiérarchie très claire dans l'enseignement de l'histoire qui est établie entre christianisme orthodoxe, qui serait au cœur de l'identité nationale, et les autres courants religieux, notamment l'islam sunnite, qui est donc autochtone, local, même si en réalité les responsables politiques s'affichent aussi aux côtés des responsables politiques, des chefs religieux musulmans qui sont officiellement reconnus. Cela se traduit aussi sur le plan législatif, puisque la Constitution mentionne clairement le fait que le christianisme orthodoxe est la religion traditionnelle du pays, et une loi de 2002 précise que c'est l'Église orthodoxe bulgare qui représente le christianisme orthodoxe, qui serait la religion traditionnelle du pays. Maintenant, la présence du christianisme orthodoxe est très visible dans l'espace public. Et depuis quelques années, cette présence est tout à fait relayée par les autorités politiques. Ici, vous voyez une photo du président, elle a été prise il y a un peu plus d'un an, je crois, lors de l'investiture du président élu, hein, c'est le président actuel du pays, un ancien général, voilà. Aux côtés donc du patriarche de l'Église orthodoxe, c'est lors de, je pense que c'était juste après la cérémonie d'investiture. Vous voyez aussi la photo du patriarche assis à une place qui lui est réservée en particulier au sein de l'Assemblée nationale, accueilli par le Premier ministre. Ensuite, l'autre photo montre l'accueil de ce même patriarche dans l'Assemblée nationale. Tout ceci pour dire que, bon, ça c'est la partie visible, on voit aussi de cette prépondérance de l'orthodoxie dans l'espace public, et on voit aussi un tas de signes religieux, c'est-à-dire les croix autour du cou dans l'administration publique comme dans les entreprises privées, les icônes accrochées au mur. Autant dire que les signes religieux, comme on dit en France, sont très souvent dans l'espace public et privé, sans que cela soulève des oppositions ou des désaccords. C'est perçu comme une partie normale de la vie, et ceci ne permet pas de présumer du degré de piété des occupants du bureau dans lequel il y a une icône. C'est ce qui est souvent très très bas. Donc la Bulgarie est aussi officiellement le pays le plus pauvre de l'Union européenne, et d'après des données d'Eurostat, c'est aussi le pays le plus inégalitaire de l'Union européenne. Je fais une brève parenthèse ici et je termine avec la situation générale pour passer à mes études de cas. L'élite économique du pays, qui est très liée aux dirigeants politiques depuis la chute du régime communiste, en réalité, bénéficie d'une législation qui lui est favorable, décision politique favorable à cette équipe, à cette élite politique. D'ailleurs, les Bulgares émigrent en masse au cours des 10-15 dernières années, pour des raisons économiques justement, et il faut savoir que sur le plan démographique, on est en plein déclin, décroissement naturel négatif depuis des années. Maintenant, je passe à la présentation de mes cas d'études. Désolé si j'ai été un petit peu long sur le contexte, mais il fallait bien que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je vais vous parler de Belan. C'est un pseudonyme que j'ai choisi pour parler d'un village situé au sud de la ville de Smolensk. Belan est un village de 350 habitants enregistrés, mais qui ne vivent pas de façon permanente dans leur village, parce que soit ils travaillent ailleurs ou étudient ailleurs, soit ils travaillent réellement loin, c'est-à-dire en Angleterre, il y a un réseau qui permet à des jeunes d'ici de partir travailler 6 mois par an en Angleterre. Bellan est ce que les gens ici appellent un village mixte. À présent, les musulmans sont une majorité nette. Il y a plus de chrétiens qui sont partis travailler ailleurs, vivre ailleurs, se sont installés durablement ailleurs. Du coup, on a une forte majorité de musulmans. Comme pour le reste des Rhodopes, ce village a été affecté par la décomposition des bases économiques de l'économie socialiste, planifiée après 1989, ce qui fait qu'il y a fermeture des fermes d'État massives, démantèlement massif imposé par une loi, ainsi que fermeture de tout ce qui était petites industries. Maintenant, il y a des écoles qui ferment puisqu'il n'y a plus suffisamment d'enfants. Donc, on est dans un contexte globalement de grave crise économique dans la région. Cependant, il y a un secteur qui semble bien se développer depuis une quinzaine d'années, c'est le tourisme rural, qui est principalement basé sur l'hôtellerie familiale et qui est aussi... Bon, voilà, ça c'est des photos de l'église et de la mosquée du village. Donc, je vais vous parler ici d'une petite entreprise. C'est un hôtel qui a ouvert en 2011. Il y a environ 50, enfin, il a 50 places officiellement. On l'appelle ici l'hôtel du Grec. Alors, le Grec, c'est un homme d'affaires d'origine grecque qui est installé en Bulgarie depuis le tout début des années 90. Il parle parfaitement bien le bulgare, c'est un bulgare. Il vient de longue date dans ce village parce que le village lui plaît. Il voulait se faire construire une maison. Finalement, il a fini par acheter un terrain, a commencé à construire quelque chose qui devenait de plus en plus grand. Et finalement, eh bien, c'est devenu un hôtel qui a ouvert ses portes en 2011 et qui emploie 4 personnes. Cet hôtel a donc une salle à manger, restaurant et également une chapelle orthodoxe qui est bâtie derrière, creusée dans la roche à laquelle est adossé l'hôtel. Cet homme d'affaires, cet homme d'affaires donc a son principal business, comme il dit, à Sofia. Il est très proche de responsables politiques là-bas. Mais il tient absolument à développer aussi cette autre activité. Donc, pour cela, il emploie, donc, comme je l'ai déjà dit, 4 personnes. Un homme, qui est lui chrétien, appartenant à la majorité chrétienne orthodoxe, et 3 femmes, qui sont toutes les 3 du village, toutes les 3 de la majorité musulmane du village. Une seule d'entre elles a un vrai contrat de travail. C'est la gérante de l'hôtel, c'est son nom qu'on trouve sur le site internet, c'est son numéro de téléphone qu'on a quand on veut faire une réservation. Les 2 autres femmes, donc elles se plaignent très, moi je la connais depuis 2009, elles se plaignent très régulièrement du niveau vraiment très bas de son salaire, mais en même temps elle n'a pas la possibilité pour des raisons familiales de quitter le village, d'aller travailler ailleurs. Les 2 autres femmes sont employées de façon tout à fait noire. Elles touchent 1,30€ environ de l'heure, y compris quand elles travaillent de nuit. L'autre personne qui a un contrat officiel, c'est l'homme qui est lui employé pour l'entretien général et comme gardien de l'hôtel. Ces 3 femmes passent beaucoup de temps en cuisine. Or, le propriétaire exige aussi qu'elles restent disponibles en cuisine, même quand il y a des clients qui veulent en pleine nuit se faire, par exemple, manger une crêpe. On m'a raconté le cas de quelqu'un qui voulait manger une crêpe à 3h du matin. Du coup, il a fallu mettre en marche tout. Il s'agit d'une cuisine quand même professionnelle, bien équipée. Donc, il a fallu mettre en marche tout pour préparer une crêpe pour ce client. Et le patron exige que les femmes se rendent disponibles pour répondre à toutes les demandes des clients. Le patron a également mis des icônes orthodoxes, c'est parce qu'il est très pieux, on dit les femmes, il a mis des icônes orthodoxes dans la cuisine. C'est vrai que lui, parfois, quand il est de passage à Belen, il vient lui-même cuisiner parce qu'il est passionné de cuisine. Mais c'est tout de même principalement le lieu de travail de ces femmes musulmanes. Elles ont une attitude assez détendue vis-à-vis de cet affichage orthodoxe partout dans l'hôtel, puisque de toute façon c'est la situation globale dans le pays. En revanche, là où la chose est moins évidente, et d'ailleurs lorsqu'il y a des touristes qui arrivent au moment d'une grande fête orthodoxe, comme par exemple le 15 août, la gérante de l'hôtel spontanément dit, sans connaître les gens, « Ah, si vous n'avez pas allumé un cierge aujourd'hui, allez-y, il y a une chapelle, il suffit de monter. » Comme si tout le monde spontanément devait avoir envie d'allumer un cierge pour la fête de la Vierge. C'est un peu l'esprit dans le pays. Alors qu'elle-même, elle est musulmane. Là, les choses sont un petit peu plus problématiques. C'est que ces femmes m'ont confié qu'il arrive que leur patron les accuse de mal faire leur travail parce qu'elles, ou d'être de mauvaise volonté parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. Mais il faut dire que le rapport de ce patron est ambivalent, puisqu'il est aussi en même temps amical et paternaliste. Et il joue en permanence sur ce rapport amical-paternaliste et la rémunération très basse et les insultes qu'il peut proférer à certaines occasions. Si je porte ici cet exemple, c'est parce qu'il intègre dans un cadre professionnel une combinaison de rapports inégalitaires à l'œuvre aussi au plan national. Ici, la hiérarchie entre les deux religions, qui est légitimée et qui est promue aussi par le pouvoir politique, en dépit d'un discours aussi de l'égalité entre les différentes religions, donc promue au niveau politique, l'inégalité de genre aussi, sont mobilisées par l'employeur pour renforcer le rapport de domination au travail. Mais ce rapport de domination au travail va bien au-delà de la relation hiérarchique entre le patron et les employés, puisqu'il est simultanément un rapport de domination sociale et économique entre un membre de l'élite économique, le patron, et celles qui n'y appartiennent pas. Et ici, le religieux, en tant que système symbolique, compte très peu, voire pas du tout. Ce qui compte, c'est la réaffirmation de l'agencement hiérarchique entre christianisme orthodoxe et islam qui est mobilisé pour renforcer les autres disparités sociales, économiques et de genre. Mais cette configuration n'est pas la seule que l'on trouve à Belen. Dans un autre cadre qui est rituel, mais qui me semble-t-il peut être analysé au même niveau que la vie ordinaire au travail, les deux religions sont mobilisées dans leur dimension justement de système symbolique. Elles participent à la réorganisation vernaculaire des inégalités économiques, pas leur inversion, mais leur réorganisation et leur réagencement. Donc inégalités économiques, mais aussi de statut qui, elles, structurent la vie ordinaire. Il y a un rite sacrificiel que l'on appelle Kurban, qui est un rite très répandu dans les Balkans, qui est aussi, que l'on trouve dans d'autres pays, qui est d'une grande plasticité, donc s'adapte à beaucoup d'occasions de la vie, et qui est un rite qui est pratiqué aussi bien par les chrétiens que par les orthodoxes, par les chrétiens orthodoxes que par les musulmans, et il est arrivé dans la tradition chrétienne orthodoxe à travers l'islam ottoman. On ne sait pas exactement dans quelles conditions il a commencé à être à l'origine pratiqué aussi par les chrétiens, mais en fait c'est venu par la tradition musulmane ottomane. Donc ce rite sacrificiel appelé Kurban est organisé au niveau du village en tant que le rite le plus important du village depuis 1992. Ils mettent en œuvre un modèle égalitariste tant sur le plan de la hiérarchie religieuse que sur celui des rapports sociaux. Alors il est organisé généralement au mois de mai. Il est organisé aussi, c'est-à-dire que chaque village et beaucoup de quartiers de Smolan, ou parfois il y a aussi des courbanes de la ville entière, sont organisés dans les rhodopes, pas seulement, dans les rhodopes ailleurs aussi. Donc celui de Belen, il consiste dans le sacrifice d'environ 6 moutons. Vous pouvez voir où est cuisinée la viande sur l'une des photos. On prépare un plat traditionnel, d'autres nourritures aussi. Et le point culminant, c'est la distribution gratuite de cette nourriture au cours d'une journée entière, aux habitants, à leurs familles, à leurs invités, à leurs collègues, à tous ceux qui viennent pour rendre visite au village. Et on partage donc un repas en commun. Il s'agit d'un type de rite qui est particulièrement répandu dans la région, comme je l'ai dit. Selon la femme qui était mère du village dans les toutes premières années après la chute du régime communiste, elle m'a dit, eh bien, j'étais mère à cette époque-là, les fêtes communistes et plus généralement les cadres de vie, de la vie collective établis sous le socialisme, ont brusquement cessé d'exister. Donc, il fallait que le village s'affirme, il fallait que le village existe. Et c'est alors que l'organisation d'un kurban de village est apparue comme une évidence aux villageois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rite au niveau du village similaire qui aurait été pratiqué avant l'époque communiste de ce type-là. Il a depuis été vraiment plébiscité en raison de son caractère intégrateur, parce qu'il est perçu à la fois comme le marqueur d'une communauté villageoise unie et comme l'expression d'un acte de générosité. Il faut dire que certains le définissent comme religieux, d'autres, des participants, non. Il y a une diversité de manières d'en parler assez marquée, mais tout le monde se reconnaît. Je peux prendre encore une minute? Merci. Donc, depuis le premier kurban auquel j'ai assisté en 2010, auquel j'ai participé en fait, parce que je participe aussi quand j'y suis dans l'organisation, les organisateurs estiment accueillir environ 1000 personnes chaque année. C'est-à-dire que les personnes commencent à venir, les invités viennent à partir de 10h30, 11h du matin, et viennent, mangent, saluent leurs connaissances, leur famille, tous ceux qu'ils croisent, et repartent, et comme ça jusqu'à 5h à peu près, 5-6h du soir. L'organisation est stricte, elle demande un investissement particulier de la mairie et des habitants. L'argent est collecté en amont, donc on note tout dans des cahiers. Tous les dons, toutes les dépenses, et aucun jugement n'est émis sur la somme donnée par chaque famille. D'ailleurs, quand on achète des moutons aux villageois, on essaye toujours d'acheter à des gens du village, pour que ce soit les gens que l'argent reste dans le village. Donc quand on achète des moutons, on essaye de ne pas trop favoriser un vendeur par rapport à d'autres vendeurs, et également d'équilibrer d'une année à l'autre, c'est-à-dire ne pas toujours acheter chez les mêmes. Ce souci égalitaire est perceptible aussi dans la manière dont on s'implique, du maire du village au villageois lambda. Nombreux sont ceux qui essayent de se rendre disponibles pour aider d'une manière ou d'une autre. Les deux maires dont j'ai pu observer la participation depuis 2010 n'ont pas hésité à s'atteler à des tâches physiques. La phase liminaire, c'est-à-dire le jour du repas collectif, chacun est servi de manière identique. Les responsables politiques de la région ne manque jamais un kurban de village. C'est-à-dire que si ce jour-là, ils peuvent venir, eh bien, ils viennent. Généralement, ils sont accompagnés par le maire en exercice du village et ils sont servis absolument comme tout le monde, sur les mêmes tables, sans aucune visibilité particulière. Si les participants les reconnaissent et viennent les saluer, c'est fait de manière discrète. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de mise en avant de cette élite politique. L'ambiance, en gros, est solennelle, mais elle est calme et contenue. Et il y a un effacement réellement. Je me suis longtemps suspectée de faire ici une analyse un peu myope ou partiale, je ne sais pas. Mais en réalité, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un effacement de la distinction socio-économique qui est mis en œuvre sans aucune injonction explicite, avec de la cohérence et au moyen d'une coordination qui est réellement spontanée. Et il me semble que si ce modèle égalitariste et ce modèle d'une économie non instrumentale sont réellement collectivement pensés par l'élite politique, par ceux qui sont, disons, une sorte d'élite économique, comme par les autres, et ils sont pensés non seulement pensés comme possibles, mais ils sont aussi vus comme légitimes et réellement mis en œuvre le temps du rite préliminaire et après. D'accord, je termine. Il faut dire que l'identité du rite est musulmane, puisque c'est un hodge, un spécialiste religieux local qui officie, qu'il y a une prière à la mosquée locale qui est dite en amont. L'alcool est totalement absent de la table rituelle, mais il n'y a strictement aucune contestation ou aucune revendication chrétienne pour que le rite porte aussi des marqueurs chrétiens. D'ailleurs, au moment de la distribution rituelle de nourriture, ces marqueurs religieux sont totalement effacés. Ce que j'ai essayé de faire ici, en dépassant mon temps de parole, c'était d'illustrer deux processus à travers la cohabitation religieuse. D'un côté, la reproduction dans un cadre professionnel spécifique des rapports inégalitaires socio-économiques qui dominent dans la société, et dans un autre cadre, un autre processus qui est le réagencement de ces inégalités à l'occasion d'un rite de village. Et la coexistence religieuse a une importance dans un cas comme système symbolique et dans un autre comme partie prenante d'une hiérarchisation sociale et identitaire. Voilà, je vous conclue là, je peux vous en dire plus. Merci.